Y'a quelque chose qui a craqué. Ton visage s'est fendu, craquelé, en des milliers de morceaux qui se sont envolés. Je t'ai vu disparaître devant moi. J'essaie vainement de retenir tous ces bouts de toi qui s'échappaient bien malgré moi, qui se sont échappés malgré tout. Et j'ai regardé abasourdi les fragments s'évanouir dans le ciel, jusqu'au silence insupportable de l'azur. J'ai scruté les cieux jusqu'à ce que mes yeux crachent des larmes. J'ai scruté longtemps, tu ne reviendras pas. Tout vient de s'effondrer, je n'arrive plus à respirer. J'arrive à respirer, je n'arrive pas à réaliser. Je réalise. Je réalise les longs kilomètres de désert qui s'étendent à perte de vue. Devant moi des dunes lassantes aux formes monotones. Devant moi le manque qui se dilate à chaque seconde. À chaque souvenir de toi, tous mes souvenirs de toi. Ce visage au sourire brûlant de beauté. Ces endroits hantés par notre bonheur perdu. Jusqu'au tapis de douche, au couteau, fourchette, au verre, tu es partout. Partout dans mes pensées accidentées. Partout dans ma culpabilité. Dans mes impardonnables erreurs impardonnées. Dans mes certitudes à venir à tes côtés. Versé par tes doutes irréversibles et ta souffrance latente. Tu ne veux plus y revenir. Et combien de fois je te dirai qu'on n'y reviendra pas. Et combien de fois tu n'y croiras pas. Alors je scruterai le ciel jusqu'à perdre la vue. Parce que l'espoir sera toujours intense. L'espoir de voir descendre tous ces bouts de toi qui se matérialiseront à nouveau. En cet amour infini que je ne peux pas perdre. C'est mon premier